Exercice 8, page 92, Virlang. Tonton, chauffe ton chausson au saumon. Tonton, chauffe ton chausson au saumon. Tonton, chauffe ton chausson au saumon.